Joseph Sabiyabandi. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Isanganiro. C'est le moment de suivre le journal parlé en langue française, dont voici les principaux titres. Nahisubije Michel, conseiller de l'administrateur communal de Bururi, chargé de développement, est dans les mains du service national des renseignements à Bujumbura depuis l'après-midi de ce vendredi. Vous aurez les détails dans ce journal. Une attaque à main armée a été menée la nuit dernière sur la colline Nyakigwa de la commune Gisozi. Nous sommes en province Moaro, faisant 3 morts et 4 blessés. Une somme importante d'argent a été également volée. Et à Ngozi, 4 employés de la société Goshen fabricant des pains sont portés disparus depuis 3 jours. Des sources sur place indiquent qu'ils ont été enlevés par des hommes en tenue policière. Et à Lumongue, des effets policiers ont été trouvés ce vendredi au domicile de Chimani Mhaye Saleh, un ancien député du CNDD-FDD. C'était lors d'une fouille et perquisition. Sa fille indique que ces effets appartiennent à un policier qui a été muté de Lumongue à Bujumbura. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, 3 personnes tuées, 4 blessées, c'est le bilan d'une attaque à main armée menée la nuit dernière par un groupe de malfaiteurs sur la colline Nyakigwa de la commune Gisozi en province Mwaro. Une somme importante d'argent, dont le montant n'est pas encore connu, a été volée, nous indiquent les sources sur place. Les détails avec Laurent Ndikuriyo. C'était à 19h15 de cette nuit de jeudi à vendredi quand un groupe de 2 personnes en tenue militaire et armée de fusils a attaqué les buvettes se trouvant sur la colline Nyakirwa, sous colline Nyembaba de la commune Gisozi en province Mwaro. Selon le commissaire provincial de la police à Mwaro, Dismas Nyongabo, ce groupe a intimé l'ordre à toutes les personnes qui étanchaient leur soif à cet endroit de donner tout ce qu'ils avaient. Ces assaillants ont également dit qu'ils étaient à la recherche d'une personne qui, si une fois ils parvenaient à la trouver, toutes les autres personnes allaient être laissées en paix. Cette dernière n'était qu'un commerçant de vaches qui revenait du marché de Guivaga. Quand ils l'ont aperçu, ils l'ont immédiatement fusillé et il est mort sur le champ. Ils ont également emporté une somme d'argent qu'ils possédaient, mais dont le montant n'est pas encore connu. Dans le repli, après intervention de la police de Mwaro, ce groupe a croisé une autre personne qui rentrait chez elle et l'a fusillée et elle a rendu l'âme immédiatement. La police a pu tuer un de ses assaillants nommé Alakaza Prosper, originaire de la colline Mugendondengo en commune Mugamba, selon le commissaire de la police à Mwaro. 4 personnes, dont 3 élèves, ont été blessées lors de cette attaque. Elles ont été transférées à l'hôpital pour subir des soins. Dans la matinée de ce vendredi, les autorités administratives et policières étaient en train de tenir une réunion avec la population de cette localité pour la sensibiliser à informer à temps les autorités habilitées sur tout fait inquiétant. Merci à Laurent Dikuriyo. Toujours sur la page sécurité, 4 employés de la société Goshen, fabricant des pains en province Ngozi, sont portés disparus depuis 3 jours. Selon des sources sur place, ils ont été enlevés par des hommes en tenue policière alors qu'ils rentraient à leur domicile à Rubouye, c'est au chef-lieu de la province Ngozi. Les mêmes sources précisent que les 4 personnes ont été embarquées dans une camionnette double cabine jusqu'ici non identifiée. Le point avec Apollinaire Muzagara. Ces personnes portées disparues sont Dagijimana Protogène, Atungimana Joseph, Barushimana Mathias et Yakim. Selon des informations émanant du lieu du camping, ces personnes ont été arrêtées par des hommes en tenue policière à bord d'un véhicule double cabine, comme l'indique l'un des responsables de ces personnes. Avant de les embarquer, selon toujours les mêmes sources, ces kidnappeurs leur ont demandé s'ils sont tous de nationalité rwandaise et ont tous accepté. 2 autres personnes qui étaient avec ces employés de Goshen ont pu échapper. Parmi eux, un étudiant rwandais et lauréat de un des responsables de cette unité reconnue dans la fabrication des pains en province Ngozi, dit qu'il en a informé la police pour mener des investigations, mais sans succès jusqu'à maintenant. 4 hommes restent introuvables dans tous les cachots d'Ngozi, comme nous l'avons constaté ce vendredi matin. Son responsable invite à cet effet les défenseurs des droits humains et les forces de l'ordre de tout faire afin de sauver ces vies humaines. Nous avons contacté le commissaire provincial de la police pour en savoir plus. Son téléphone sonnait, mais personne ne décroche. Merci à Apollinaire Muzagara. À propos des enlèvements, Pierre Ngurikiye, porte-parole de la police, recommande aux familles des victimes et des enlèvements d'informer au plus vite les voisins et l'administration. puis le poste de police le prix le plus proche pour la meilleure conduite des enquêtes. Des tenues policières et une paire de bottines ont été trouvées ce vendredi au domicile de Chimani Mhaye Saleh, un ancien député du CNDD-FDD. C'était lors d'une fouille et perquisition menée à sa maison. Sa famille indique que ses effets policiers appartiennent à un policier qui a été muté de Lumonge à Bujumbura. Les détails avec Jean-Pierre Misago. Une chemise et deux pantalons policiers, deux bérets policiers, une veste imperméable toute neuve également policière et une bottine militaire ou policière. Tels sont les effets militaires et policiers saisis chez Chimani Mhaye Saleh au quartier Iteba de la ville de Lumonge. C'était au cours d'une fouille y opérée par la police de Lumonge en collaboration avec le service national de renseignement de la place ce vendredi matin à la recherche des armes et autres effets militaires et policiers qui y seraient cachés. Nibigira Chantal, fille de cet ancien député du CNDD-FDD, a indiqué que ces effets policiers saisis dans une des chambres de ses frères appartiennent à un policier connu sous le prénom de Gilbert qui logeait chez eux au moment où il travaillait à Lumonge, des effets qu'il n'avait pas encore récupérés chez son père religieux après sa mutation vers Bujumbura. Selon elle, les policiers ont investi leur ménage depuis 20 heures de ce jeudi à la recherche de leur père qu'ils n'ont pas trouvé. La police a arrêté ce vendredi matin 10 personnes, parmi lesquelles un certain Benga, petit frère de cet ancien député du CNDD-FDD, et la voiture de marque Benz immatriculée B3499A de cet ancien député a été également saisi et conduit au poste de police de Lumonge. Jean-Pierre Misago de Lumonge, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Nahisubije Michel, conseiller de l'administrateur communal de Wururi, chargé du développement et dans les mains du service national des renseignements à Bujumbura depuis l'après-midi de ce vendredi. Selon des témoins sur place à Wururi, il a été arrêté par le chargé des renseignements en province Wururi à la mi-journée de ce vendredi au cimetière de Taba, en commune Wururi, alors qu'il s'apprêtait à enterrer son grand-père. Après une fouille opérée chez lui et dans son bureau, une fouille qui n'a rien trouvé de compromettant selon ses proches, celui-là a été remis au chargé des renseignements en province Lumonge, qu'il a immédiatement conduit à Bujumbura. Ce dernier confirme cette arrestation qui aurait des liens avec des présumés combattants arrêtés à Lumonge la nuit de ce mercredi. Une femme originaire de la province Kalousi, habitant au chef-lieu de la province Muyinga, a été interpellée ce jeudi par le parquet de cette province. Pour le responsable du centre de développement familial de Muyinga, cette interpellation, réclamée par les leaders communautaires, rentre dans un programme de lutte contre le concubinage. Correspondance signée de Donné Nseimane. La femme arrêtée jeudi à Muyinga est originaire de Gitaramuka en province Karuzi. Au centre de développement familial et communautaire CDC à Muyinga, on précise que c'est une concubine récemment installée au quartier Swahili du chef-lieu de la province Muyinga. Les leaders communautaires de Gitaramuka ont accompagné la première épouse, également mariée, à Muyinga pour réclamer sa réhabilitation. Cette épouse se plaignait surtout de la disparition des biens du ménage comme les articles de boutique et les ustensiles de cuisine en faveur de la concubine. Et Jenny Kakobga, responsable du CDFC à Muyinga, affirme que ce centre, en collaboration avec le parquet, ont interpellé cette concubine arrêtée provisoirement en attendant la comparution de l'homme. Chasser les concubines est l'une des stratégies de lutter contre le concubinage. Certains hommes installent leurs concubines loin des femmes légitimes pour ne pas s'attirer les foudres de la communauté. Désormais, en synergie avec l'administration et la justice, les concubines seront traquées où elles sont d'après la gestionnaire du CDFC à Muyinga. Sur quelle base légale a-t-on procédé pour interpeller cette concubine? Pas de réponse. Nous avons tenté de joindre le procureur de la République à Muyinga, mais sans succès. Dieudonné Nzeimana, Muyinga, Radio Isanganiro. Nous disons merci à Dieudonné Nzeimana. L'emprisonnement d'un mineur a des répercussions sur sa vie psychologique. Le psychologue Jean-Marie Sindaïgaya explique que si l'enfant trouve qu'il est emprisonné injustement, cela crée chez lui un comportement de frustration. Placide Niomungere nous en dit plus. Selon ce professeur psychologue, un enfant mène une vie meilleure s'il est entouré par sa famille. Sinon, son emprisonnement a des retombées négatives. Ce sont des enfants qui ont encore besoin d'être éduqués, d'être élevés en famille, d'être avec les parents, d'être dans la fratrie, d'être à l'école, mais qui se voient effectivement privés de leur droit à l'éducation, qui se voient privés du droit à l'éducation par les parents, par la famille, du droit de jouir de leur jeunesse. Et dans ce cas-là, ce sont des conséquences psychologiques qui sont évidentes. Jean-Marie Sindaï-Gaïa explique que si l'enfant trouve qu'il a été incarcéré injustement vis-à-vis des sanctions infligées à ses camarades, il y a la naissance d'un comportement de frustration. Il se pourrait qu'il y en a qui auraient été sanctionnés plus sévèrement que d'autres. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut y avoir comme conséquence? C'est qu'il y aura davantage de frustration suite justement à cette sanction qui serait plus sévère que celle qui a été infligée aux autres. Partant de l'exemple des enfants qui ont été emprisonnés après avoir chargé de gribouillage de la photo du numéro 1 burundais, les centres de rééducation ne seraient pas une meilleure solution sans toutefois savoir le pourquoi de cet acte. Pour que peut-être on puisse placer l'enfant dans un lieu de rééducation, peut-être si on trouve que si on essaie d'étudier le cas d'un enfant qui, par exemple, aurait commis un tel acte suite à certains problèmes psychologiques, alors là, ce n'est plus une rééducation au niveau civique, c'est plutôt une prise en charge psychosociale qu'on ferait pour lui. Au sortir des prisons, les conseils des parents seraient plutôt avantageants, ajoute ce professeur. S'ils sont vraiment conscients que l'acte posé par leur enfant va à l'encontre des valeurs positives, ils sont amenés à aider leur enfant à changer de comportement. Signalons jusqu'ici que 11 élèves restent détenus dans les prisons de Muramvya et ces deux Changuzo transférés à Ruigi, alors que les autres ont été relaxés sous le même chef d'accusation de falsification de la photo du président burundais. Merci à Placide Niyomungere. Nous ajoutons que cela est dit au moment où certains élèves ont subi le même sort d'emprisonnement après le gribouillage de la photo du président de la République du Burundi. La vie d'un enfant qui est né avec handicap au niveau des intestins est en danger. Son ventre est gonflé. Un médecin étranger qui pourrait le soigner exige 3 millions de francs burundais, une somme introuvable pour sa famille. Son père demande une aide pour sauver la vie de son enfant. Didier Niyonzima nous fait le point. Cet enfant a déjà passé 9 mois dans un hôpital. Son père, Bamboneo Diomède, originaire de la commune Kanyosha, colline Kirombwe, raconte le calvaire de cet enfant. Nous avons essayé de faire soigner cet enfant, mais en vain. Il a subi une première opération le 7 mai 2014 sans aucun effet positif. Il a été opéré pour la deuxième fois le 8 décembre 2015, toujours sans résultat positif. Jusqu'à présent, le ventre de cet enfant est gonflé, il ne peut pas manger. Les médecins nous demandent 3 millions alors que dans notre famille, cette somme reste introuvable. Son parent demande à toute personne capable de donner son aide pour que la vie de cet enfant soit sauvée. Nous prions les bienfaiteurs de nous aider pour que la vie de cet enfant qui est en danger soit sauvée. Toute personne qui voudrait nous aider peut nous joindre au numéro 79 10 30 80. Nous sommes à l'hôpital militaire bloc 10 numéro 2, là où cet enfant est hospitalisé. Hôpital militaire bloc 10 numéro 2, niho uwo mwana gushika ubu ari. Radio Isanganiro Chronique. Le Burundi se trouve dans la région pouvant être touchée par le phénomène climatique La Nina, c'est-à-dire qu'un ensoleillement inhabituel peut surgir lors de la saison normalement pluvieuse. La Nina, c'est un phénomène contraire à celui d'El Niño qui, à son tour, entraîne de fortes pluies en un peu de temps. C'est ce que fait savoir Godefroy Chimilimana d'Oligébou, évrant dans le secteur de prévision météorologique. Les détails, c'est dans cette chronique environnement que nous présente Léonce Vitalio. Après les perturbations climatiques dues au phénomène El Niño dans la région, incluant le Burundi, emportant des biens et des personnes, les pays d'Afrique de l'Est s'attendent à un autre phénomène, celui de la Nina. Il est à la base d'un déficit pluviométrique, comme l'indique Godefroy Chimilimana. Il travaille à l'Igébou, précisément dans le service de prévision météorologique. Il commence par expliquer ce que c'est la Nina. La Nina, en fait, c'est littéralement, veut dire, c'est une anomalie négative des températures de surface de la mer qui s'observe sur la partie ouest de l'océan Pacifique, sur les côtes péruviennes. Et donc, et cette perturbation conduit à un dérèglement à l'échelle mondiale. Et ce dérèglement du climat conduit d'une part dans certains pays des inondations, d'autre part conduit à un déficit pluviométrique. Les déficits ou excédents pluviométriques conduisent à des catastrophes pouvant causer des pertes en biens et ou en vies humaines, selon encore Godefroy Chimilimane. Si le phénomène La Nina se déclare dans la région d'Afrique de l'Est, le Burundi ne sera pas épargné, précise l'environnementaliste. D'abord, vous savez que le Burundi vient d'être frappé par le phénomène El Niño, qui a coûté la vie à pas mal de gens, aussi a détruit de nombreuses maisons et aussi des infrastructures, même des routes. Donc, le Burundi sera aussi, une fois la Nina déclenchée, se trouve toujours dans la zone de la partie orientale de l'Afrique. Normalement, pendant la période de la Nina, l'Afrique de l'Est connaît un déficit pluviométrique. Donc, c'est normal que aussi le Burundi, une fois la Nina déclarée, connaîtra un déficit pluviométrique. Que la Nina se soit déjà déclarée pendant la période d'été en cours, le Burundi n'en est pas encore là. L'été ne sera pas perturbé, dit Godefroy Chimilimane. L'été va se dérouler normalement. La Nina est en phase de naissance, je peux dire, et ça va se développer au cours de la saison, mais les premières manifestations, on peut les prévoir autour du mois de novembre et décembre, au moment où sera déclenché, je crois, au début de la saison de pluie au mois de septembre, on fera l'annonce pour indiquer à la communauté nationale le comportement adopté en cas de la Nina, et aussi on vous parlera de la sévérité de la Nina, si c'est modéré ou bien si c'est sévère. Pour le moment, ajoute M. Chimilimane, il ne faut pas que les gens paniquent en s'attendant à une période de canicule. L'été ne sera pas non plus long, comme pense une certaine opinion. Godefroy Chimilimane indique que les signes de la Nina qui étaient dans le passé à 75% sont aujourd'hui à 60%. Merci à Léonce Vitalio pour cette chronique environnement. C'est sur cette chronique que nous bouclons ce journal. Mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Vous l'avez entendu, Nahisuige Michel, conseiller de l'administrateur communal de Bururi, chargé du développement et dans les mains du service national des renseignements à Bujumbura depuis l'après-midi de ce vendredi. Et sur la page sécurité, vous l'avez également entendu, une attaque à main armée a été menée la nuit dernière sur la colline Nyakigwa de la commune Gisozi en province Mwaro, faisant trois morts et quatre blessés. Une somme importante d'argent a été également volée. Et à Ngozi, quatre employés de la société Goshen Fabrica des Pins sont portés disparus depuis trois jours. Des sources sur place indiquent qu'ils ont été enlevés par des hommes en tenue policière. Et à Rumongue, des effets policiers ont été trouvés ce vendredi au domicile de Chimanimaye Saré, un ancien député du CNDD-FDD. C'était lors d'une fouille et perquisition. Sa fille indique que ces effets trouvés appartiennent à un policier qui a été muté de Rumongue à Bujumbura. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.